19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. À réfléchir à des thèmes, nous avions envisagé d'évoquer l'archéologie de l'amour, celle de l'altruisme, pourquoi pas de l'espace, voire de l'exobiologie, pour nous porter, ce soir, sur un sujet plus simple, mais tout aussi nouveau, l'archéologie de la piraterie. Pour autant, l'archéologie de la piraterie pourrait-elle exister ? Tous les descendants de nos fameux corsaires, Surcouf, Mondragon, Jambard ou Leclerc, dit jambes de bois, nous diraient probablement que non, car il s'agit là que de Forban et de Flibustin. Pour autant, l'envie d'aventure dans les eaux Caraïbes ou de l'océan Indien était trop forte. Il faut dire que notre enfance a été bercée par tous ces films d'écumeurs. Les Naufrageurs des mers du Sud de Cécile B. 2000, Le Pirate Noir, à ne pas confondre avec Barbe Noire le Pirate, de Raoul Walsh, sans oublier Pirate de Polanski, mais surtout La Fille du Pirate, dans sa version de 1922, ou plus récemment Captain Phillips, avec Tom Hanks, afin de mieux rappeler que la piraterie est toujours un réel sujet d'actualité, et cela même si elle existe depuis le 4e siècle avant notre ère, en mer Égée. Mon invité n'est probablement pas un boucanier, le voici toutefois à l'abordage d'un sujet somme toute novateur. Jean Soula, bonsoir. Bonsoir. En ligne de Normandie, une terre de pirates, souvenons-nous de Jean Angot. Jean Soula, vous êtes docteur en archéologie, associé au centre Michel Deboire, le CRAAM de l'université de Caen, et conduisez actuellement des recherches autour d'un navire pirate sombré en 1702 au large de l'île Maurice. Nous y reviendrons. Jean Soula, la grande époque de la piraterie européenne se déroule entre les 17 et 18e siècles? Oui, tout à fait, même plus précisément entre 1650 aux années 1720-1730. Après, cela périclite ? Oui, cela périclite, on a vraiment une baisse des assauts, même si à partir du début du 19e siècle, on a un regain avec les guerres napoléoniennes. Tous les films que je citais ont contribué à la constitution du mythe pirate, mais qu'est-ce qu'un pirate ? La réponse semble toujours la même, un pendu. Oui, c'est vrai. Oui, il finissait relativement mal, hein. Mais souvent, avant d'être pendu, il mourait en mer à cause des conditions de vie difficiles, la promiscuité, les bactéries, les maladies, évidemment le combat aussi. Donc, on a tout un tas de causes qui permettent de parler évidemment de la piraterie et du pirate en lui-même. Pirate, Forban, flibustier, mais aussi corsaire. Il faut pas oublier que tous ces gens de mer étaient en fait des marins. Difficile de dissocier le corsaire du pirate par ses vêtements, la vie quotidienne, ses coutumes. Ce sont en fait des marins qui globalement partaient fuir un certain nombre de problèmes dans leur société d'origine pour partir à l'aventure et puis évidemment essayer de trouver une nouvelle terre, puisque aussi ces marins, à un moment donné, s'arrêtent dans les ports et deviennent plus ou moins sédentaires, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais un corsaire, c'est une sorte de pirate légal. Tout à fait, tout à fait. Il dépend du roi, hein, en lien avec son royaume de France, royaume d'Angleterre, d'Espagne ou autre. À la différence du pirate, évidemment, il a une lettre de marque, un document signé qui lui permet en fait d'avoir une plus grande liberté en lien avec ce royaume. Mais globalement, ce sont les mêmes types d'individus, probablement parfois avec le même passé d'ailleurs. Hein. Alors j'ai lu que bien sûr ils étaient pendus, mais ça faisait aussi de très bons forçats. Après tout, c'était des hommes robustes et donc les fers étaient probablement la solution. Existe-t-il pour autant une archéologie de la piraterie sur mer, bien sûr, mais aussi sur terre ? Oui, déjà, il faudrait définir ce qu'est l'archéologie de la piraterie. C'est une thématique de recherche avant tout qui s'intègre pleinement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie moderne, ou alors l'archéologie des Outre-mer, ou l'archéologie australe, c'est-à-dire vraiment cette archéologie outre-Atlantique dans des territoires reculés, loin de la vieille Europe, hein, évidemment. On appelle cela aussi aux États-Unis l'historical archéologie ou la post-medieval archéologie en Angleterre, hein, différents termes. Cette archéologie de la piraterie s'intègre pleinement dans cette nouvelle archéologie, cette nouvelle thématique, grande discipline qui se développe notamment depuis quelques années, une vingtaine d'années en France et en Europe. Hein. Il faut vraiment garder ça en tête. Et puis depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, avec les services, notamment des services outre-mer, on développe cette archéologie coloniale, hein, avec beaucoup de guillemets aujourd'hui. Hein. On va plutôt parler désormais d'archéologie des outre-mer, avec un travail méticuleux sur ces nouveaux sites, ces habitations coloniales, ces cimetières d'esclaves, etc. Et en fait, cette archéologie de la piraterie s'intègre pleinement dedans, avec cette culture matérielle, ce travail autour de ces nouvelles sociétés qui se créent notamment dans le Nouveau Monde. N'y a-t-il pas une question d'éthique autour de l'archéologie de la piraterie, au travers de la simple recherche de trésors et de butins ? Évidemment, c'est un peu le souci avec cette thématique-là. C'est que, et d'ailleurs, cela nous a créé problème aussi lorsque nous avons développé notre programme de recherche. On est forcé d'être contacté par de nombreux explorateurs et chasseurs de trésors qui s'intéressent évidemment à ces questions de butin, de trésors cachés qui sont d'ailleurs du domaine de l'imaginaire. Hein. Évidemment. On a, pour parler d'archéologie, donc des sites archéologiques, bien sûr, des sites évidemment sous-marins, liés à des épaves, des bateaux naufragés aux États-Unis, aux Caraïbes ou dans l'océan Indien. Hein, moins d'une dizaine d'épaves aujourd'hui sont attestées à la fois par les archives, l'histoire et l'archéologie, fouillées plus ou moins de manière sérieuse. On en a moins de 6, hein, donc ce qui est quand même extrêmement rare. Et puis surtout, découvrir, attester un bateau pirate, c'est loin d'être simple. Il est généralement lié, cette identification est liée évidemment à la présence d'un pirate célèbre sur lequel on travaille au niveau des archives et des récits historiques. Donc tout cela est extrêmement important et ce qui donne cette rareté aussi de cette archéologie-là. Nous, notre travail aussi, c'est à la fois de travailler sur les épaves, bien sûr, mais aussi sur les campements, les fortifications et les sites terrestres découverts en archéologie, notamment en archéologie préventive, mais aussi en archéologie programmée. Et là, évidemment, on va voyager, on va partir à la fois dans l'océan Indien ou dans les Caraïbes, avec beaucoup de problématiques qui sont extrêmement intéressantes, qui vont renseigner et qui, par ailleurs, restent assez inédites, étant donné que cette archéologie de la piraterie est une thématique développée en partie d'abord par les universitaires américains, qui eux aussi combattent ces chasseurs de trésors et ces explorateurs qui compliquent vraiment la tâche des archéologues. Oui, d'ailleurs, il faut le dire, l'archéologie américaine a une sorte de monopole sur cette archéologie un peu particulière, avec probablement le meilleur, mais surtout le pire quand même, disons-le. Oui, c'est vrai. Pour ne pas le citer, Barry Clifford, qui est quand même à la base un explorateur, chasseur de trésors, homme d'affaires. Donc ces gens-là ont beaucoup d'argent, ont pu développer des grands projets de recherche qui sont extrêmement intéressants à l'origine sur des thématiques diverses, comme notamment le Ouidagali 1717, hein, qui est un bateau pirate qui a échoué au large de Cap Cod au Massachusetts, qui a été découvert par l'équipe de Clifford en 84. Ce Clifford a pu s'entourer d'archéologues ou d'historiens, mais derrière, il y a eu aucun rapport de fouille. Les techniques ont été plus ou moins bonnes et appliquées. En tout cas, on sait qu'il y a eu des malversations. Derrière, ça ne l'a pas empêché de créer un musée dit grand public soutenu à l'époque et faire une grande exposition, donc avec un certain succès. Le problème de ce musée-là, c'est que tous les objets qui sont conservés n'ont jamais été étudiés, n'ont pas fait l'objet de publications scientifiques. Il n'y a aucun rapport scientifique nombreuses campagnes archéologiques ou dites archéologiques qui ont été opérées sur ce bateau-là. Donc ça crée quand même un vrai problème. Derrière, on a même eu un certain nombre de pièces de monnaie, puisque le bateau aurait livré près de 15 000 pièces de monnaie en argent, en or et en bronze. D'ailleurs, ces monnaies-là ont été retrouvées en partie parfois sur le net. pour être revendus. Donc on a un vrai souci avec cette archéologie-là. Et tout le but de notre travail, il faut le rappeler, c'est justement de redorer le blason de cette archéologie de la piraterie-là avec des universitaires formés, une collaboration internationale avec de nombreux collègues soutenus par des institutions sérieuses telles que de nombreuses universités, notamment l'université de Caen en Normandie hein, et le centre Michel Debord à Le Cram, pour justement un petit peu amener du sérieux à tout ce travail-là et évidemment sortir des clichés autour de la piraterie. C'est ce qui nous permet de faire beaucoup de valorisation autour de ce sujet-là. Jean Soula, comment reconnaît-on un navire pirate d'un bateau de guerre ou marchand ? Alors, là-dessus, on n'a pas énormément de documentation hein, archéologique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour donner un bon exemple et un contre-exemple, c'est les deux épaves de la Natière hein, qui ont été coulées sur le massif de la Natière dans la baie de Saint-Malo en 1704 et 1749, au même endroit, deux frégates corsaires. Et fouillées par Michel Lehour. Fouillé par Michel Lehour et l'équipe d'Adramar à l'époque aussi, pendant plusieurs années, qui renseigne extrêmement fortement sur cette vie de marin, cette vie de corsaire et finalement cette vie aussi de pirate, puisque ce sont les mêmes individus, ils sont juste différents par leur attestation, leur lettre de marque. Si l'on n'avait pas un équipage attesté corsaire, on pourrait tout à fait confondre ce bateau-là avec un bateau pirate. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit les pirates ou les corsaires, ces individus de mer prennent des navires. Ils les modélisent, ils les changent, ils les évoluent, ils les réarment, ils les adaptent au combat. Et de ce fait, souvent, ce sont des navires marchands qui sont transformés. Souvent, ça peut être aussi des frégates négrières liées au commerce triangulaire. Et donc, en termes d'architecture navale, nous n'avons pas de bateaux pirates affirmés. Ce ne sont pas des bateaux pirates créés comme étant des bateaux pirates. Ce sont des bateaux qui ont été pris par les pirates ou les corsaires. Là où va être la différence, et là, c'est notable, c'est très important, évidemment, c'est le réarmement de ces bateaux-là. Le multiculturalisme des objets que l'on va trouver et le gros souci avec cette archéologie de la piraterie, c'est que globalement, les objets sont relativement peu étudiés. On l'a vu sur différents cas, hein, notamment aux États-Unis, commence à se développer depuis quelques années. Mais à l'origine des fouilles, les objets sont très peu mis en avant. Et souvent d'ailleurs, on sépare l'archéologie sous-marine de l'archéologie terrestre. Il y a un gros souci, puisque les objets qui sont déposés, retrouvés dans ces épaves, ont été produits en terrestre et nous avons des quantité de données en archéologie terrestre qui peuvent renseigner justement sur cette culture matérielle maritime, sur cette culture matérielle des objets à bord. Donc c'est extrêmement intéressant de lier cette archéologie sous-marine aux archéologies terrestres. Et évidemment, nous allons avoir différentes origines liées aux prises des pirates sur un temps qui est relativement court. Jean Soula, que connaît-on comme épave pirate en Amérique du Nord ou dans les Caraïbes ? Peut-être le Queen's Anne's Revenge de 1718 ? Oui, tout à fait, qui est le bateau sabordé par l'équipage et par Barbe Noire, hein, Edward Teach, hein, qui était un pirate anglais, qui a sabordé son navire pour bondir sur un autre navire, puisque souvent les pirates, plus ils grossissaient en prise et en équipage, plus ils avaient différents navires. Donc là, il a sabordé lui-même son navire pour quitter, en fait, pour essayer de fuir la poursuite du commandant Maynard, commandant de la Royal Navy en 1718. Hein. D'ailleurs, quelques mois plus tard, il sera tué lors d'un abordage meurtrier. Hein. C'est compté dans les récits historiques contemporains. Et ce bateau est extrêmement intéressant parce que déjà, il est fouillé proprement par des archéologues formés professionnels, découvert en 1996. Mais cette épave est totalement symptomatique de l'archéologie de la piraterie. Pourquoi ? Parce qu'elle a été trouvée en 1996 au large des côtes de Caroline du Nord, dans la baie de Beaufort, et elle a été attestée, identifiée pirate, donc ayant appartenu au pirate Barbe Noire, que dans les années 2012-2013 et authentifiée à la presse qu'en 2017. Donc c'est extrêmement long en termes d'identification. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'est un navire comme les autres, une frégate française en plus, le Concorde, produit fabriqué à Nantes. Et puis ensuite, on a l'analyse des objets qui vient évidemment, qui met beaucoup de temps, lié aussi à la restauration de ce mobilier-là, hein, qui peut prendre évidemment beaucoup de temps. Jean Soula, partons pour l'océan Indien. Le 7 janvier 1702, un navire fait naufrage sur la côte est de l'île Maurice. Quel est donc ce bateau ? Donc ce navire, c'est le Speaker. Il fait naufrage donc le 7 janvier 1702 sur la côte est de l'île Maurice, près de Grand-Rivière Sud-Est, à 8h du soir. Hein, on a des écrits très précis de la colonie hollandaise installée à l'île Maurice à cette période-là. L'île Maurice est occupée par les Hollandais depuis les années 1636-37, hein, avec une colonie, une compagnie orientale européenne hein, qui est installée là. La compagnie des Indes avait aussi... Comment ? La Compagnie des Indes, la VOC ? Oui, tout à fait. Une quarantaine de soldats est en faction et on compte peut-être 200 ou 300 habitants, hein, donc c'est extrêmement, extrêmement peu. Les pirates font naufrage. Ils se prennent, à cause d'un gros vent, une forte tempête, vers 8 heures du soir, l'îlot des Roches, qui est un massif basaltique, et ils dérivent le long du lagon, mais à l'extérieur du lagon. Hein, nous ne sommes pas... L'île Maurice est totalement entourée d'un récif corallien qui la protège, notamment des attaques de requins, par exemple. Et ce navire donc déambule à plusieurs voies d'eau et de ce fait est condamné hein, finalement. Il commence à être happé par le récif hein, qui est à 300, 400 mètres, 500 mètres de là et du coup l'équipage est affolé. Il paraîtrait, d'après les archives, qu'il était fortement alcoolisé par le rhum. On reste dans les clichés, mais qui parfois peuvent être liés à la réalité historique. Et de ce fait, commence à mouiller les ancres, notamment une, deux ancres, plusieurs canons, jusqu'à faire naufrage, puisque à l'endroit du naufrage du speaker, nous avons que 3 mètres d'eau. Donc ce qui s'est passé, c'est que le bateau en fait était lourd, c'était une frégate négrière de 500 tonneaux, une frégate française dont nous n'avons pas l'identité dans les archives à ce jour, et qui a été renommée Speaker par rapport à l'équipage britannique, à un équipage très mélangé, hein, avec des Indiens, des Arabes, mais aussi principalement des Britanniques. Il a été renommé le Speaker, il a été réarmé, on a près de 50 canons qui sont attestés dans les textes, 500 tonneaux, ce qui donne un bateau d'environ 30 mètres, extrêmement lourd, près de 250 membres d'équipage, on a un gros navire de guerre là, armé pour la piraterie et qui fait naufrage en fait quasiment en touchant le fond devant le récif et puis il reste en fait debout. Et ce que l'on sait dans les archives, c'est que le lendemain en fait, il y a eu aucun mort et les pirates reviennent avec des chaloupes sur ce navire pour récupérer un maximum de marchandises. France Culture. Carbone 14, Vincent Charpentier. L'épave aura été découverte en 1979, Jean Soula ? Oui, tout à fait. Elle a été découverte par des archéologues non professionnels. À l'époque, cette archéologie sous-marine était constituée beaucoup d'archéologues non professionnels, c'est-à-dire Jacques Dumas, qui était avocat, président du CMAS, hein, la société de plongée sous-marine, et puis Patrick Lizet, qui était archiviste, historien également. Avec quatre membres d'équipe, ils ont retrouvé ce navire Speaker, qui avait déjà été partiellement découvert par des plongeurs mauriciens, trois canons. Ils ont eu des autorisations gouvernementales pour se rendre l'année suivante, donc en 1980, pour fouiller ce bateau. Et ils ont tout d'abord dressé un plan qui nous a beaucoup renseigné et qui nous a tout de suite montré hein, la grande quantité de canons, près de 34 canons qui avaient été découverts, des canons en fonte de fer, et au moins trois ancres. Donc sur une distance qui est très longue, c'est-à-dire près de 400 mètres de site archéologique. On définit la distance du site archéologique entre le premier et le dernier vestige, c'est-à-dire ancre ou canon. On est à une distance d'environ une centaine de mètres du récif corallien et on a un site qui est relativement large et il a une spécificité, ce site-là, c'est qu'on n'a pas retrouvé à ce jour, en tout cas, de restes de bois de coque du navire. Donc on a un site relativement vaste, avec une faible profondeur, on l'a dit, 3 ou 4 mètres de profondeur, mais une très belle visibilité. Hein, on voit à 8-10 mètres de loin, donc c'est quand même très agréable de pouvoir travailler dans ces conditions. Le vrai souci de ce site, c'est les conditions d'accessibilité. On ne peut plonger sur ce site qu'un mois par an tout cumulé, en raison des vagues de ressac et des fortes vagues, hein, la hauteur. Hein, dès qu'on dépasse 1,5 m de vague, on est totalement ballotté en surface, puisque le bateau qui nous amène jusque-là ne peut pas s'ancrer. Et sous l'eau, on est balayé de 3 mètres par 4 mètres, on est obligé de s'accrocher pour mesurer les objets, hein, les vestiges, on est obligé de s'accrocher au canon ou aux ancres pour pouvoir se stabiliser, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Comment se présente l'épave? Donc vous me dites il n'y a plus aucune structure de bois. Il reste notamment les 34 canons et les ancres, c'est ça? Oui, alors en fait, donc sur 400 mètres de long, on a comptabilisé à ce jour 34 canons. Il y a un 35e canon en bronze qui était sous 3-4 canons en fonte, qui a été exhumé dans les années 84, manifestement, par des plongeurs sud-africains. Donc ce canon est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est le premier canon en bronze découvert sur le site, donc il y en avait probablement d'autres. On a dit qu'il y avait une cinquantaine de canons lors du naufrage. On en a retrouvé que 35. Et pourquoi il est intéressant? Parce qu'il a un écusson qui comporte la marque de la Compagnie danoise des Indes orientale et notamment le nom du roi du Danemark et de Norvège, Philippe IV, avec un C couronné et un 4 enfermé dans ce C. Et ce qui nous montre que, en fait, lorsque la frégate a été prise, avec l'équipage français, a été prise par les pirates de John Bowen, puisqu'on n'a pas cité le nom du pirate, hein, c'est John Bowen, c'est un pirate britannique qui est né aux Bermudes dans les années 1660. Cet équipage a pris en avril 1700 au large des Mascareignes le Speaker, donc renommé le Speaker, et il a fait naufrage en le 7 janvier 1702. Donc il a une vie de piraterie très courte, ce navire et cet équipage. Et donc dans ce laps de temps, il a pris un certain nombre de navires, et notamment un navire de la Compagnie danoise des Indes, qui n'était pas inscrit dans les archives qui ont été consultées et retrouvées à ce jour. Donc l'archéologie nous a renseigné réellement sur une prise danoise qui était inconnue à ce jour, à cette période-là, dans ce laps de temps d'un an et demi. Donc c'est assez extraordinaire. Jean Soula, nous savons que le capitaine, donc John Bowen, a donné 2000 piastres au gouverneur pour quitter l'île par la suite, mais les monnaies issues de l'épave sont fort intéressantes. Pourquoi ? Les monnaies sont extrêmement diversifiées. On a des monnaies en or, en argent et en bronze qui viennent d'environ une quinzaine de localités différentes. On a des monnaies du Caire, de Venise, du Pérou, des colonies espagnoles, etc. Donc ce qui montre réellement aussi le multiculturalisme des prises qui ont été faites par les pirates. Il y a aussi des objets liés au commerce, aux échanges? Oui, on a des perles, hein, des perles de verre qui ont été probablement produites à Venise, dans les ateliers de Venise, mais aussi en Asie, en Chine. On a qui servaient probablement aussi à la traite négrière. On a des manilles, des espèces de petits bracelets d'une dizaine de centimètres de diamètre, des bracelets en bronze qui servaient également de monnaie d'échange contre les esclaves. On a également de la porcelaine chinoise. On a aussi deux petites statuettes en bronze de l'Inde du Sud qui représentent des divinités ou des danseuses qui sont extrêmement intéressantes. Et puis des sortes de drôles de bouteilles, des bouteilles anglaises. Oui, on a aussi des éléments liés à la vaisselle et aux contenants, donc notamment des pichets venant de la vallée du Rhin, donc d'Allemagne, mais aussi des fameuses bouteilles, des bouteilles dites servant à contenir du rhum, mais on savait qu'elles servaient à contenir du vin et d'autres types de liqueurs. Et effectivement, elles ont une forme globulaire en forme dite d'oignon, qui sont assez caractéristiques de cette mystification du pirate. Parmi les objets personnels, beaucoup sont issus de Grande-Bretagne. Pourquoi ? Alors, il faut se rappeler que l'équipage est quand même majoritairement anglais. Donc, on va retrouver une culture matérielle de la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui est liée à l'Angleterre. On a des boutons liés à des vestes typiquement anglaises que l'on retrouve dans des sites archéologiques en Angleterre. On retrouve aussi une cuillère très caractéristique avec un manche trilobé. On a aussi des bracelets, des compas typiquement anglais aussi liés à cette navigation-là. Donc on a vraiment tout ça qui est retrouvé, qui nous montre une forte présence anglaise sur le bateau. La culture du speaker est singulière, particulièrement les objets qui permettraient d'affirmer que nous sommes sur un bâtiment pirate. Pourquoi ? C'est ce que je disais, c'est vraiment cet assemblage d'objets de différentes natures, très hétéroclites au niveau des origines diverses, mais qui font partie d'une sorte de période assez courte, une période chronologique assez courte, qui permettent vraiment de montrer que l'on a différentes prises sur un temps très court, donc liées aux navires pirates, de navires marchands de guerre qui ont été pris par les pirates, pardon, mais aussi une forte quantité d'armement. Et là, on a près de 1100 balles de pistolet en plomb ou de fusil. On a évidemment les canons, on a des éléments d'artillerie, de pistolet, etc., qui nous renseignent sur l'engagement qui a été pris, l'engagement de bataille qui a été pris par ces pirates. Il y avait beaucoup de plomb, visiblement, sur cette épave. Oui, on a beaucoup de balles de pistolet. On a aussi des plaques de plomb qui servaient à boucher l'allumage des canons. On a aussi des éléments qui servaient au nettoyage ou à l'entretien du navire. On a aussi des lingots en plomb liés probablement à de la marchandise ou en tout cas à du stockage qui ont été retrouvés. Alors, confrontons notre imaginaire à ce mobilier. Les objets propres aux pirates n'existent pas. Ce sont juste des objets du XVIIIe ou du XVIIe siècle? Oui, tout à fait. Il faut sortir l'idée de la culture matérielle pirate. Elle n'existe pas. Il n'y a pas d'objet pirate. Il n'y a pas de bouton pirate avec une tête de mort. Il n'y a pas de coffre pirate. Tout cela n'existe pas. Ce sont évidemment des objets de la vie quotidienne, utilisés et réemployés notamment pour le côté maritime, et qui sont symptomatiques d'une période chronologique et d'une appartenance géographique particulière. Mais on n'a pas d'objet pirate. Ça n'existe pas. Tout ça a été fantasmé par évidemment la fiction et toutes les productions cinématographiques. Quel est votre objet? Vous allez fouiller ce site? Effectivement, l'année prochaine, nous y retournerons pour, là, pour le coup, ouvrir des sondages et essayer de notamment se concentrer sur la zone définitive du naufrage du navire, puisque on a parlé des 400 mètres, mais on a une zone spécifique du naufrage où nous avons trouvé en 2021 deux amas de boulets de canon, qui sont des sortes de pyramides à côté des canons et qui nous montreraient vraiment la zone terminale du navire. Et puis, vous êtes sur un autre projet à Madagascar, cette fois-ci, avec une épave et éventuellement coulée en 1721. Oui, tout à fait. On part en fin avril pour un mois avec une équipe d'une douzaine d'archéologues et puis notamment des étudiants et des archéologues malgaches. Donc nous partons à Madagascar sur l'île Sainte-Marie dans la baie d'Ambodifototra pour travailler à la fois sur une épave pirate datée a priori de 1721 et qui aurait été associée au pirate Christopher Condon. Donc ça c'est pour la partie sous-marine et à la fois aussi travailler en terrestre sur les restes de fortifications françaises qui auraient été réoccupées par les pirates dans les années 1680. Et découvrir éventuellement des batteries, des restes de canons et des éventuels vestiges du campement. J'ai lu qu'il y avait au moins 4 épaves dans cette baie qui ont été coulées. Alors, 4, voire même plus d'épaves, mais de Candal Tuttle, ça n'a pas été certifié par l'UNESCO lors de sa mission de vérification en juin 2015. Il faudra faire la lumière sur ces nouvelles épaves. On va déjà se concentrer sur une épave, parce qu'on a déjà beaucoup, beaucoup de travail à en accumuler. Et justement, ce bateau, le Fiery Dragon de 1721, est-il une épave majeure, historique? Oui, pourquoi? Parce que d'après les textes que l'on a et les archives notamment de la Réunion, il semblerait que cette épave ait été sabordée par les pirates en échange d'une amnestie du pirate dit Christopher Condon, alias William Condon, puisqu'ils avaient parfois plusieurs pseudonymes. Et ce pirate aurait coulé son navire sur la demande d'un document spécifique qui est conservé aujourd'hui à la fois aux archives de la Réunion et aux archives de Vannes, et qui stipulerait dans les demandes du gouverneur de mettre fin à toutes les armes pirates et notamment leurs navires pour ensuite être les pirates et son équipage mais aussi les esclaves être acheminés vers la Réunion et éventuellement signer une amnestie. Rappelons cette fois donc que l'équipage n'était pas sous, mais s'aborda le navire. C'est fou cette tendance qu'ont les pirates à se faire sombrer. Jean Soula, merci. Je rappelle que vous venez de publier un gros ouvrage, Archéologie de la piraterie des 17 et 18e siècles, étude de la vie quotidienne des flibustiers de la mer des Caraïbes et de l'océan Indien, qui vient de paraître donc aux éditions Mergual. Carbon 14 était réalisé par Louise André, à la technique Olivier Dupré, bien sûr, avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.